s'aimer en CDD, que je serai ton amant à plein temps. Je te prêterai mes secrets, mordant ta vie à plein temps. Mais ne te fais pas d'illusion, il n'y a pas de passion. Thank you.